un arrachement. Jusqu'à la fin de ton séjour, individuel renoncement. La chambre, dites-nous, violence à l'audience, dites-nous, rendez-vous au champ, dites-nous, preuve de l'absence. Dites-nous,